auditeurs de Shawinigan sont fiers de vous présenter les palmarès C'est fou. En direct du Festival urbain de Trois-Rivières, c'est les palmarès C'est fou! Et bonsoir et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 21 au 27 août 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et cette semaine, ben, on est en direct du Festival urbain Trois-Rivières au Parc portuaire. Donc, venez nous voir. Il va y avoir plein de spectacles, on va en parler tantôt. Mais avant d'en parler, regardons un petit peu ce qui se passait la semaine dernière. Du côté des numéros 1 en francophone, c'était Chinatown et du jazz avec l'Apocalypse. Alors que du côté anglo, notre numéro 1, c'était My Son The Band avec Knockin' Futs. Cette semaine, on a un nombre incroyable de nouvelles entrées. 3 du côté francophone et 4 du côté anglophone. Je ne vous les dirai pas toutes, mais il y en a beaucoup. Avant de commencer en musique tout de suite, j'accueille avec moi pour le reste de l'émission Sédition. Bonsoir. Maintenant, vas-y. Yeah, Mathieu, ouais. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On va passer un bon moment ensemble ce soir. On va écouter un petit peu de rap avec toi plus tard dans l'émission. OK, yeah. On est en direct du Festival urbain. Venez en grand nombre. C'est à soir que ça se passe. C'est en direct du parc portuaire de Trois-Rivières, juste en bas du parc des Ursulines. Hier, on a eu un gros show. On a eu Tactica qui est venu, Moine de rue, Imposs, LD, Sensa, la troupe de danse Too Real avec comme animation, il y avait Dirty Taz. Ce soir, on vous réserve un graph battle, un défilé de danse. On a aussi des groupes qui viennent ce soir. Il y a Radio. Il y a Prodige, Galsen qui viennent. Il y a aussi Empire Isis. Il y a mes boys de Trois-Rivières à ne pas rater aussi qui s'en viennent. Kick Flow. Ça va être vraiment un très, très bon show. Il y a aussi Never Die qui viennent aussi. C'est au parc portuaire pour le festival urbain. C'est à soir que ça se passe. On vous attend en grand nombre. Nous, on est là pour encore un bon moment. On va passer toute la soirée ensemble, mais on va commencer ça avec quelques nouvelles entrées du côté anglophone. La 15e et nouvelle, c'est Dinosaur Jr. avec Pieces. Mais avant ça, tout de suite, on s'en va entendre une nouvelle pièce de Malajube, leur album le plus récent, Labyrinthe. Voici Cristobal. Au Palmarès C'est fou au 89.1 FM. Vous écoutez les Palmarès C'est fou en direct du Festival urbain de Trois-Rivières. Farm, c'est en 15e position, c'est une nouvelle entrée du côté anglophone. Alors qu'avant ça, on a entendu Malajube et Cristobal de la toute dernière pièce de leur album Labyrinthe. Et là, je dis dernière, c'est la dernière du CD et c'est la plus récente à venir sur nos palmarès. C'est certainement pas la dernière, par exemple, de tous les temps, si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, vous êtes au Palmarès C'est fou en direct du Festival urbain de Trois-Rivières et c'est Mathieu Plante qui vous parle. Je suis seul pour l'instant, mais Key One s'en vient tantôt. Parlons un petit peu de ce qui se passe au Festival urbain. Grosse programmation, ce soir, c'est vraiment très, très gros. Il va y avoir comme spectacle Radio Radio, Prodige Galsen, Empire Isis, Kick Flow et Never Die. Tout ça un petit peu plus tard ce soir. Nous, ben, on continue notre palmarès. On s'en va entendre du côté de la 14e anglophone, une nouvelle pièce de Surefire Machine, c'est 69 Nova. Mais avant ça, voici le tout nouvel album. On vient de le recevoir assez fou d'Elephantine. L'album s'appelle Le Bonheur en 3D. Voici une clope, un café. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou au 89 FM. Vous êtes avec Mathieu Plante au palmarès, c'est fou, et puis c'est le Festival Urbain. Fire Machine et 69 Nova, nouvelle entrée en 14e position anglophone. Ça vient de leur album du même nom. Et avant ça, on a entendu une autre nouvelle entrée, celle d'Éléphantine, avec une clope, un café. Vous êtes toujours dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Toujours en direct du Festival Urbain et toujours avec Sédition. Yeah, yeah, yeah. Comme Mathieu vous l'a dit, c'est le Festival Urbain. Venez, on vous entend grand nombre. Le show va commencer à 8h ce soir. Il va y avoir des artistes invités. Il va y avoir aussi, juste avant le show, il va y avoir un graph battle. Il y a aussi un défilé danse. Comme artistes ce soir, nous avons Radio, Prodige, Galsen. On a aussi un bon groupe, Empire, Isis. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a aussi mes boys de Trois-Rivières, Kick Flow, à ne pas rater, qui vont être là. Il y a aussi Never Die. C'est en direct du parc portuaire de Trois-Rivières, en bas, juste à gauche, en bas de la rue des Forges. C'est juste en bas du parc des Ursulines. On vous attend en grand nombre. C'est Sédition pour l'émission Les Palmarès, c'est fou avec Mathieu. Merci beaucoup, Sédition. Oui, Festival Urbain, c'est ce soir, mais c'est aussi demain, c'est aussi après-demain. Donc, soyez là jusqu'à dimanche. Yeah, c'est toute la fin de semaine. Demain, il va y avoir des artistes français. Ça va être une très, très grosse journée demain. C'est vraiment à surveiller. Ça va être big. Ça arrive qu'une fois dans l'année. C'est le Festival Urbain. C'est à ne pas rater. C'est à Trois-Rivières que ça se passe. Absolument. Du côté de la 13e position anglophone, tantôt, on va entendre une pièce qui est stable de Matrix et Satellite Mind. Mais avant ça, tout de suite, une autre nouvelle pièce. Il y en a donc aujourd'hui, ce soir, les nouvelles. Voici Le Roi Poisson avec Chien Galeux. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. C'est qu'ils se parlent, ils se connaissent. Restez là après la pause, on écoute Metric, Les Violents Cachalots et The Dead Weather. Vous êtes toujours au Palmarès Fou en direct du Festival Urbain de Trois-Rivières au 89.1 FM. C'est fou ça! Vous écoutez les Palmarès C'est fou, une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Chuck et Satellite Mind en 13e position anglophone. C'est stable, ça fait 9 semaines que c'est dans notre palmarès avec leur album Fantasies. Avant ça, on a entendu Le Roi Poisson et Chien Galeux, qui était aussi une nouvelle entrée. C'est la 3e pièce de leur album qui s'appelle Le Roi Poisson. Vous êtes toujours en direct des Palmarès, c'est fou. Oui, on est au Festival Urbain ce soir, hein, c'est d'ici. Yeah, Mathieu, c'est là, on est pendant les soundchecks. Le show va commencer vers 8h, vraiment. On vous attend en grand nombre. Il y a eu déjà un excellent show hier. On va vous en offrir un excellent ce soir. On a beaucoup, beaucoup d'artistes invités, vraiment à ne pas rater. C'est au Parc Portuaire que ça se passe du côté du Festival Urbain. On vous attend en grand nombre. Oh que oui! je dirais ça. En passant, allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission de ce soir. Il va y avoir la liste des pièces qui ont joué pour télécharger la balado diffusion. C'est aussi assemblagerequis.com. Vous pouvez nous écouter en direct sur cfou.ca si ça vous intéresse. On continue notre palmarès. C'est fou. On saute par-dessus la 12e francophone parce qu'elle n'est pas nouvelle. C'est les Violents Cachalots qui montent de deux avec François Legault. Tout de suite, voici The Dead Weather et leur nouvelle pièce Hang You From The Heavens au palmarès. C'est fou au 89 FM. Oh, ouais. Oh oui, c'est ah, carré, je fais tout le temps ça, ça n'a pas d'allure. Allez, là. Au pas c'est fou. Au 89.1. Ah, yeah! Ouais, faut que ça arrive des fois, tu sais. En direct du Festival Urbain. Dead Weather avec Hang You From The Heavens, nouvelle entrée en 12e position anglophone. Ça vient de leur album Whorehound. Avant ça, on a sauté par-dessus la 12e francophone qui montait de deux places, François Legault des Violents Cachalots. Vous êtes toujours au Palmarès C'est Fou au 89 FM. C'est un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Ce soir, on est en direct du Festival Urbain de Trois-Rivières. C'est au Parc Portuaire. Venez nous voir. Il y a plein de bons spectacles ce soir. On en a parlé, mais parlons-en encore. T'sais, il y en a plein de bons spectacles. Est-ce que ça te tente d'en parler? Parlez-en. Il est comme ce soir, comme je l'ai dit, ça va commencer avec un battle de graph. Vraiment, ne pas rater. C'est mes boys de Nouvelle Empreinte, justement, qui font des graphs. Il y a aussi un défilé. Il va y avoir de la danse. Comme artiste invité ce soir, nous avons Radio. On a aussi Prodige, Gal Sen. On a une nouvelle découverte qui s'appelle Empire Isis. Il y a mes boys de Trois-Rivières aussi, qui fait longtemps qu'ils roulent leur boss, Kick Flow, qui vont être là et tout ce soir. Il y a aussi Never Die, vraiment, c'est à ne pas rater. On est en direct du Festival Urbain. Tantôt, il va y avoir un petit spécial palmarès rap que je vais faire plus tard dans l'émission, car c'est le spécial palmarès sur C'est Fou 89.1 FM. Merci, Cédition. Oui, on continue au palmarès C'est Fou ici, nous, au 89.1 FM, avec les positions numéro 11. Du côté francophone, on saute encore une fois par-dessus Crash Ton Rock avec leur pièce homonyme. On s'en va directement à la 11e anglophone parce qu'elle est nouvelle. Voici Démentir et Bronzage au palmarès C'est Fou au 89.1 FM. À 11e position anglophone. C'est la dernière des nouvelles entrées de cette semaine. On a eu quoi? 7 nouvelles entrées. C'est vraiment beaucoup. Une très grosse semaine au palmarès, c'est fou. L'album de Démentir s'appelle Black Square. On est rendu aux 10e position, mais avant ça, je vous rappelle encore une fois qu'on est en direct du Festival Urbain au Parc portuaire de Trois-Rivières, toujours avec Mathieu Plante et Cédition qui est à mes côtés en ce moment. Ah, j'arrête. Au port que ça se passe. Je le répète, je le redis, c'est le Festival Urbain. Une seule fois dans l'année, un gros show. On vous attend. Oui, très gros show. Oui, c'est vrai qu'on vous attend. Je ne sais pas si on t'a entendu, par exemple, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est pas grave. On va aller aux positions numéro 10. Du côté anglophone, on va l'entendre Sub avec Black Gold qui descend de la troisième place de l'album To This Beat. Avant ça, voici Automélodie et leur nouvelle entrée de la semaine dernière. Ciao, ciao, ciao. C'est dans les palmarès, c'est fou. Et c'est au 89.fm. Numéro 10. Numéro 10. Fab et Black Gold en 10e position anglophone du palmarès de C'est fou. Ça descend à la 3e place, 8e semaine sur notre palmarès. Avant ça, du côté franco, on a entendu Automélodie et leur nouvelle pièce de la semaine passée, Ciao, Ciao, Ciao. 2e semaine pour elle. Elle monte donc de 5 places. Vous êtes toujours au palmarès C'est fou en direct du Festival urbain au Parc portuaire de Trois-Rivières. Et on a du fun et on passe de la bonne musique. On s'amuse. Plein d'activités à faire aujourd'hui. Il va y avoir un Graph Battle. Tantôt, j'entendais. Puis il va y avoir en spectacle plein de bons groupes, dont Radio, qu'on va entendre un petit peu plus tard dans l'émission. Mais sinon, je peux quand même dire le nom des groupes qu'il va y avoir plus tard. Prodige Galsen, Empire Isis, Kick a Flow et Never Die. C'est bien ça. Donc, c'est au Festival Urbain. On est en direct au Parc portuaire. Passez nous voir. Venez passer la fin de semaine avec C'est fou et avec la gang du Festival Urbain. C'est très, très fun. On s'en va entendre les prochaines positions, c'est-à-dire les 9e. Du côté anglo, il y a The Mars Volta qui monte une place avec Halo of Nambutals. Mais avant ça, voici Carl-Éric Hudon et Papa de Pav. Vous allez voir que ça fait un petit peu changement de ce que je jouais juste avant. Hein? C'est au fond de Racé Fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est Carl-Éric Hudon qu'on vient d'entendre avec Papa de Pa, l'ancienne 3e position qui est maintenant en 9e du côté francophone de son album Contre le sien, Anana Bongulov. Vous êtes toujours au Palmarès C'est fou en direct du Festival urbain de Trois-Rivières. C'est au Parc portuaire que ça se passe ce soir et ça continue jusqu'à dimanche. Plein d'activités, plein de spectacles à venir voir. On va en parler encore beaucoup d'ici la fin de l'émission, mais nous, on va continuer ça en musique. Pourquoi donc pas? En allant entendre les positions numéro 8 du côté anglophone, on retrouve Steve Hill and the Majestics avec Lost Woman. Mais avant ça, voici le nombre... non, je pense qu'en fait, on était rendu du côté anglophone. Mais... Voici The Mars Volta et Halo. et Halo of Nambutals tout de suite. Au palmarès, c'est fou. Ah. Ça en passe des belles affaires ici. C'est tellement le fun. Hey, c'est fou.ca pour nous écouter en direct, tout le monde. www.cfou.ca et passez voir les notes de l'émission en même temps sur assemblagerequis.com. Position numéro 9. Avant ça, du côté franco, c'était Carl-Éric Hudon avec Papa de Pâques descend de la troisième place. Nous, c'est déjà la fin de la première heure des palmarès. On se retrouve tantôt avec une deuxième heure, toujours en direct du Festival urbain de Trois-Rivières. Ça se passe au Parc portuaire en ce moment même. Il y a des spectacles ce soir et puis ça continue jusqu'à dimanche. On revient puis on en parle tantôt au palmarès. C'est fou. Et en plus, il va y avoir les positions numéro 8 et 7. Ça veut dire le nom des incendiaires. Steve Hill et Voivode, restez là. Palmarès, c'est fou. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou, une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 21 au 27 août 2009. Je m'appelle Mathieu Plante, on est en direct du Festival Urbain ce soir. C'est fun! En direct comme ça du parc portuaire, il faut venir nous rejoindre pour ça parce qu'il y a plein d'activités ce soir et plein de spectacles. Il va falloir aller voir. On a eu un graph paddle tantôt. Si je me rappelle bien, c'est terminé. Sinon, il nous reste en spectacle Radio Radio, Prodige Galsen, Empire Isis, Kick a Flow et Never Die. C'est en spectacle à partir de bientôt. Ça s'en vient, ils sont en train de se pratiquer, faire leur sound check. Et puis nous, bon, on va suivre ça, on va vous dire quand ça va commencer. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu veux dire? Parle, je te force à parler, François-Olivier, parle. Bonjour, Mathieu Plante. Qu'est-ce que t'as à dire, mon vieux? Écoute, on est en direct du Festival Urbain. Première tentative, en fait, de broadcast de C'est fou. Ben, l'une des diffusions. On parle en français, mon frère. Des diffusions en direct. Grosse aventure, ça va bien, t'es bon. Merci, c'est très gentil. Notre ami Sédition, qui est très bon aussi, qui a animé Rap 101. Il faut rappeler le nom de son émission, c'est Rap 101, c'est le mercredi soir. C'est super. Ouais. Jeff Vizina qui était là hier, qui le fait avec toi, il est supposé revenir tantôt en fait. Exactement, et on sait que Kiwan s'en vient aussi, mon co-animateur célèbre est sûrement en route et on va aller le rejoindre tantôt. En fait, il va venir nous rejoindre ici en direct au Festival Urbain, au Parc Portuaire. François-Olivier qui est aux publicités, on aime ça le mentionner. Oui, en fait, si vous voulez de la publicité, vous pouvez m'appeler 819-609-6984, gênez-vous pas. N'importe quoi, il est sur le numéro de téléphone. Allez voir cif.ca, il y a son nom et son numéro, pas besoin de l'écrire sur votre... votre miroir de voiture avec votre rouge à lèvres ou quelque chose du genre. Oh, ça. Toi, je sais que tu fais ça souvent. Ah, bref, assez parlé, je pense que ça va faire. On va l'entendre nos positions numéro 8 dans les palmarès assez fous. Du côté anglophone, on trouve Steve Hill and the Majestics avec Lost Woman qui monte de la 15e place. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière, mais tout de suite, avant ça, voici nos amis du nombre et leur célèbre pièce pour nous assez fous. Des zombies et des fleurs. Tout de suite. Au palmarès assez fous au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même. On fait ça de même, nous autres. On est fin. Il peut obéir et tuer sans devenir fou. Monsieur l'aéroporté. Ce qui lui passe par les mains finit dans un trou. À se décomposer. Coming like the rising of the tide, but I lost you. I lost you. I lost you. Majestics avec Lost Woman, position numéro 8 anglophone. Ça monte la 15e place. C'était tout nouveau la semaine passée, mais là, ça l'est plus. Mais c'est... ça a monté. C'est bon. Du côté franco, juste avant, on a entendu le nombre avec des zombies et des fleurs. Et ça, ça descend d'une place. Vous êtes toujours au Palmarès, c'est fou, en direct du Festival urbain au Parc portuaire de Trois-Rivières. Et puis, moi, je m'appelle Mathieu Plante. Que voulez-vous, c'est comme ça. Et Kiwan, c'est mon co-animateur, puis il vient d'arriver, puis on est super content. Hey, salut Matt. Salut Kiwan. Ça va bien? T'as survécu à ta journée? Ben oui, je suis arrivé un petit peu en retard, mais c'est quand même fidèle à mes habitudes, donc pas super. C'est ça, disons que je suis habitué comme ça. Ouais. Kiwan et moi, on va animer l'émission du retour Rassemblage requis à partir du 31 août. Ça va être de 15h à 17h. Ça va être super le fun. Ben oui, puis en attendant, on peut suivre tout ce qui se passe concernant l'émission sur le www.assemblagerequis.com. On met des petites capsules making of hein, pour l'instant sur le site régulièrement. Des capsules homemade. Ouais, et puis ça va évoluer là, au cours du temps. Absolument, c'est assemblagerequis.com. On va continuer en musique comme ça. Question de respirer un peu, hein? Comme si on avait besoin de plus respirer que ça. Du côté anglophone, la 7e position est occupée par Voivod et Crap Radio qui montent de 2 places. Oui, mais pour l'instant, on va écouter la 7e francophone, c'est bien ça. Oui, et t'aimes ça en plus, ça. Ben oui, c'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est Les Incendiaires avec la pièce La Menace Digitale. Ça se passe tout de suite au Palmarès, c'est fou, en direct du Festival Urbain. 89.1, hein. Un peu ça. Puis là, tu sais, je pars la pièce, puis ça rend de ça, puis là, ça se joue. Puis on danse. Brassez-vous les fesses au Festival Urbain. We'll be right back. numéro 7. On vient d'entendre la musique étrange pour certains, diront-ils. C'est pas vrai. On vient d'entendre Voivod avec Crap Radio qui vient de monter de deux places. Ça part de la 9e à la 7e anglophone. Oui, avant ça, on avait entendu la 7e francophone. C'était Les Incendiaires avec la pièce La Menace Digitale. Absolument. Et ça, c'était un très bon bloc, ça, Kiwan. C'est de la bonne musique, on aime ça, nous autres. Oui, c'était bon. C'est pas si urbain, par contre, avec du Voivod. Ouais. Mais Les Incendiaires, ouais, c'est urbain. C'est urbain. En tout cas. On va dire. Vous êtes toujours au Palmarès Assez Fou. On est diffusé Assez Fou en direct du Festival Urbain de Trois-Rivières. Festival Urbain 2009. Allez voir festivalurbain.com pour en savoir plus. Et il y a plein de belles choses qui vont se passer ce soir, dont en spectacle Empire Aziz et Radio. C'est un petit peu plus tard ce soir. Je crois que leur spectacle commence officiellement à 20h, mais ils sont en train de se pratiquer. Puis on vous invite déjà à venir nous rejoindre sur le terrain du Festival Urbain. On va l'entendre les positions numéro 6, Kiwan. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, la 6e francophone. Oui, 6e francophone. Tout de suite. C'est les numéros avec la pièce Honor. On écoute ça tout de suite. Au Palmarès, c'est fou. Au 89.fm. C'était beau, on a parlé ensemble. Wow. Singers avec Horse Trade qui monte d'une place en sixième position anglophone. Oui, juste avant, on avait entendu la sixième francophone. C'était numéro avec la pièce Honor, extrait de leur album Sport de combat. Ça a fait tout un bon. Ça, c'était en 13e place la semaine dernière. C'est seulement la deuxième semaine sur les palmarès et c'est en sixième cette semaine. Et vous êtes toujours en direct des palmarès, c'est fou. Et nous, on est en direct du Festival urbain de Trois-Rivières. C'est au Parc portuaire que ça a lieu. Plein de spectacles qui s'en viennent. Ils sont en train de faire leur soundcheck, comme on aime toujours le dire à la radio. Et puis, tantôt, on va commencer à jouer du rap et de la musique urbaine un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on continue notre palmarès avec la position numéro 5 francophone. Oui, c'est 011 et la pièce La solitude amoureuse. Au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. C'est ça. Je me lave, je me rase, je me coupe, je danse. patins dans un tiroir. Je m'en promène dans mes emails. Ce soir, j'irai en boîte et je ferai un carton. Festival urbain de Trois-Rivières. Restez là. Vous écoutez les Palmarès C'est fou présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. On vient d'entendre Winter Hill de The Doves en position numéro 5 anglophone. Ça monte de 3 places. Oui, maintenant, on est rendu à position numéro 4. En fait, je ne sais pas si on va avoir le temps de passer toutes les positions qui restent. Moi, c'est ça, on va se dépêcher. On va passer plusieurs pièces dos à dos, comme on dit dans le domaine. Oui, puis pour l'instant, on va écouter la quatrième francophone. C'est les Fatal Picard avec la pièce Le Combat Ordinaire. Vous êtes dans les panneaux assez fous en direct du Festival Urbain au 89.1. FM. Oui. Chinatown et du jazz avec l'Apocalypse, l'ancien numéro 1 qui est maintenant numéro 3 du côté francophone au Palmarès. Oui, donc ça veut dire qu'on va avoir un nouveau numéro 1 cette semaine. Et juste avant ça, on avait entendu la position numéro 4 francophone. C'est bien ça, c'était les Fatal Picard avec le combat ordinaire. Et non pas les Pascal Picard, non, comme on a appris. Pas. Non. Ça m'arrive de le dire des fois, mais là, je pense que je l'ai dit comme faut. On va sauter directement en première position parce que c'est ce qui compte le plus dans notre palmarès. La semaine passée, ben, vous savez peut-être que le numéro 1 anglophone, c'était My Son The Bomb. C'est rendu en deuxième place. Du côté anglophone, toujours, ben, le numéro 1 s'est rendu New York Dolls avec Cause I Says So. Mais tout de suite, on va écouter le numéro 1 francophone, c'est Omnicrom avec The St. Catherine's et la pièce Vedette. Vous êtes au palmarès, c'est fou, en direct du Festival Urbain au Parc Portuaire. Mais là, for smoking a joint. Dans les cas SSO qui monte d'une place, c'est le numéro 1 anglophone de notre palmarès, c'est fou. Et oui, juste avant ça, on avait entendu en hausse de 3 positions Omnichrome avec The St. Catherine, c'était la première position francophone, la pièce vedette. On va se faire un petit récapitulatif du reste du palmarès. Du côté anglophone, en cinquième, on trouve The Doves. En quatrième, c'est Snoo. En troisième, Standing Waltz avec Can't Break Me. Et finalement, en deuxième, c'est My Son The Bomb avec Knockin' Putz. Du côté francophone, la cinquième, c'est 0-1-1 avec La Solitude Amoureuse. La quatrième position, on avait Les Fatales Picards avec Le Combat Ordinaire. La troisième position, l'ancienne position numéro 1 de la semaine dernière, c'était Jonathan avec du jazz avec L'Apocalypse. Deuxième position, c'était stable, Mimi Van Der Glo et la pièce Tu sais. Et la position numéro 1 qu'on a entendu juste tout à l'heure, c'est Omnichrome et The St. Catherine's avec Vedette. Et nous, ben, c'est la fin des palmarès, c'est fou pour cette semaine du 21 au 27 août 2009. On va se laisser, on va vous laisser en fait entre les mains de cette édition pour compléter avec un petit peu de rap pour le reste de la soirée, en fait jusqu'à 20h. Et oui, puis toujours en direct du Festival Urbain. Donc, c'est par Portuaire, venez nous rejoindre, ça continue samedi et dimanche aussi, donc venez nous voir, venez accompagner un peu. Passez une belle semaine, on se retrouve la semaine prochaine en studio, Kiwan. Oui, avec une édition régulière des palmarès. Absolument, et après c'est le 31 août, nous on commence Assemblage Requis, c'est à 15h, donc soyez là. Et puis allez voir assemblagerequis.com pour en savoir plus. Oui. Bonne semaine, bye. Bye, Matt. Bye, Kiwan. On est comme tellement convivial, on se même pas bye, nous deux. Bye, Kiwan. Salut les palmiers aussi, là. XO, ouais, c'est ça. Ont été présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. C'est fou 89,1 FM, la radio autrement. Oh yeah, vous êtes toujours en direct du Festival Urbain. C'est la continuité des palmarès. Maintenant, c'est avec Sédition. Je suis en direct au parc Portuaire. Venez nous voir. Le show commence bientôt. Ça va être hier. On a eu déjà un excellent show qui a été fait. On a eu le droit, entre autres, à la Tactica qui est venue. On a eu Moine de Rue. On a eu aussi Imposs. On a eu LD Sensa. La troupe de danse Too Real. À soir, ce soir, au programme, on a aussi un Battle de Graph qui s'en vient. On a aussi un défilé de danse. On a un défilé de mode, c'est-à-dire, et de danse. Et comme groupe, ce soir, on a Radio, on a Prodigy, Galsen qui viennent. On a Empire, Isis. On a Me Boys de Trois-Rivières, Kick Flow qui viennent et Never Die. Vraiment, c'est à ne pas rater ce soir. Maintenant, je continue avec les palmarès de CFOU 89.1 FM. On commence tout de suite en musique avec du bon rap sur les ondes de CFOU 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Le niveau prend ton sac et tu bouges. Si je suis resté dans tout ton cas, tu restes sur la touche. Là pour passer, dépasser tous les barrages, je les pousse. Yeah, yeah. C'est dans la manière de placer mes coups que j'ai pris ma place depuis que je suis resté debout. Fais monter la température comme un bouc tout coup. Si tu goûtes à ma cam, j'ai que tu vas devenir fou. J'aime quand ça fait péter les plots. J'aime quand on dit putain, pour toi t'es bon. Ça se trouve que des bites et des boîtes. On doit m'assasser dans la boîte et vite de poser tes pattes avec ma corde et tes bottes. Dans les c'est de poser des cas, composer des plans. C'est les MC, trop fatigués de ramasser des coups, ça va vite et ça vient de partout, ça fait que beaucoup de ta bouche. Fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat. Je viens brûler les patrons, sort de mon wagon, car nous faisons putain de jargon. Fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat. Pour tous les mauvais garçons, qu'on coûte ma façon de poser et mon demander pardon. J'ai le feeling pour devenir le king et mon style se peaufine. J'ai les beats dans le pied du hip-hop, tu devines à l'époque. On m'a brûlé déjà pour leur casser les jambes, pour leur casser les jambes. Mais à force de jump et ça c'est la légende. Je fais ça depuis que j'ai posé les gants. Moi dans ce milieu je veux devenir un monument. Donc on m'a dit vas-y lance-toi maintenant c'est le moment. Moi je suis parti plus vite que mon nom de ton amant. Et j'ai force de défoncer ma force de défoncer ma façon de penser. Je veux pas vous offenser mais je suis déjanté. J'ai du début du côté j'entends qu'on attend. Et je vois ton d'impoté beaucoup se sont rappelés qui les a dégotés. Et je suis venu pour tenir le ton. C'est la vérité maintenant je trouve que le milieu est devenu con. Parce que de poser comme ça c'est un don. J'apporte ma patte, mon motivation, beauté du son. Fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat. Je viens brûler les patrons, sors de mon wagon, car nous faisons putain de jargon. Fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat. Pour tous les mauvais garçons, qu'on quitte ma façon de poser et mon demande pardon. Je vais vivre un enfer à ceux qui me repèrent. Que je suis dans la lumière, c'est la vérité, ça va trop vite que je perds. Ici j'ai trop de bouche à faire taire, j'impose ma guerre. La patate à mon corps et puis te perds de repère. Avec des tas de cas, je te fais bouger des pros. On m'a dit putain arrête maintenant s'il te plaît y'en a trop. Alors que moi j'étais juste à peine devenu chaud. C'est devenu machine à comment j'enchaîne les mots. Si tu crois que c'est dur et que moi j'ai du mal à t'enchaîner des balles. Et face aux mitrailles et une petite rafale. Si tu raffoles du mal et de force à des mal et de putain de dalle. Oh one shot, je te fais la c'est fat. C'est le luxe, c'est la grosseur d'un pack. Fat, toi c'est le désert, moi je suis le bateau. Fat, on peut pas se passer de mon taf, de ma manière de battre. C'est ça, je vais passer dans le château. Fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat. Je viens brûler les patrons, sors de mon wagon, car nous faisons putain de jargon. Fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat. Pour tous les mauvais garçons, qu'on quitte ma façon de poser et mon demander pardon. Fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat. Je viens brûler les patrons, sors de mon wagon, car nous faisons putain de jargon. Fat, fat, fat. Ma façon de poser mon demande pardon. Pas tous les experts pour peur. Essaye de copier ça. Oh yeah, vous êtes toujours avec Silicium pour l'émission Palmarès Rap 101. Continue, on est en direct du Festival Urbain. Venez nous voir, le show commence très très très bientôt. C'était Cam News avec l'extrait Fat qui est tiré de l'album compilation Hip Hop 2 Rue, un de mes coups de cœur, une découverte que j'ai faite cette année. Maintenant, je continue le palmarès avec, selon moi, une des meilleures chansons de l'album Ma Raison de Tactica. Tactica qui était là en show hier, ils nous ont offert une excellente performance. Maintenant, on va écouter La Grande Évasion de Tactica qui est tirée de leur tout dernier album Le Cœur et la Raison. Vous êtes en direct du Festival Urbain avec Silicium pour l'émission Palmarès Rap 101 sur C'est Fou 89.1 FM. Menotté, une odeur de mort qui s'échappe. Depuis 2005, emprisonné. Condamné à vivre dans l'underground, isolé. Perdu le poids, l'action, l'industrie de la musique. Baptisé la farce, corps par les journalistes. Trouvé coupable, jugé comme des activistes. Mais ce qu'on fait, c'est dépeindre le monde sans artifice. Mais du point choisi le décor. Je décris ce que je vois, et c'est le bordel dehors. J'ai de grandes convictions, pour ça on me dépeste. Je me fais le porte-voix d'une jeunesse en détresse et sa fesse. Tout le monde fait marijuana. J'ai vu le courage dans les yeux des jeunes de Pechuan. Le sang et les mots, c'est tout ce qui nous reste. Le mal qui nous ronge et tout ce qui nous blesse. Le reste, je baisse toujours sur mes épaules. Enfermé ici, je rêve de marque leur émeraude. Après tout ce temps passé à l'ombre, à l'écart du monde, j'ai l'impression de devenir fendu. La lumière du jour. Mais derrière les murs qui s'apposent, qui se trament. C'est pas des noms et je me sens seul dans la tour. J'ai trouvé la foi, mais faut que je garde mon calme. Demain est mon heure sonnette. Je sais que ça vaut la peine, je suis prêt à prendre le risque. Avec du recul, j'ai peu de regrets. Fais un tout pour qu'à nouveau on entende ma musique. Emprisonné. Je me suis forgé une armure, ici c'est l'enfer. Je tue le temps en écrivant des textes. Le seul moyen d'éviter la folie qui me guette. Le stress me manque, le rush d'adrénaline. C'est ce que j'entends des détenus qui est famine. Oublie ta famille, tiens ses souvenirs, l'espoir et les actions pour te soutenir. Le cœur et la raison, c'est du jour d'après. Le seul moment où à l'intérieur je trouve la paix. C'est ce qui m'a permis d'endurer les sévices. Tactique et de retour, rapport du service. C'est le jour J, la grande évasion. On s'arrache d'ici à la première occasion. Le plan est simple, on nous soit un garde. Pendant la nuit avec son aide, on va prendre le large. Mon mort joint dans la cour pour la grande finale. Ouais, trop de limonade. C'est qu'on y va mal. Mission production spéciale d'information. Donc, j'ai ce d'apprendre avec les deux membres du groupe étrange Taxica sur cette évasée de la ville de Québec au cours des dernières minutes. Pour en savoir plus, joignons Valérie Lemieux en direct de la prison de Québec. Valérie, que disent les autorités en face? La direction de l'État est si muette jusqu'à maintenant, mais selon vraisemblance, les deux prisonniers ont profité de l'aide des complices à l'intérieur des murs. Ce qu'on sait, c'est que les deux hommes sont présentement en cavale. Ni la police, ni les responsables de la prison sont en mesure de nous dire comment ils ont quitté les lieux. Nous vous rappelons que les auteurs originaires de la rue sud de Québec avaient été trouvés coupables de plusieurs chefs d'accusation et condamnés en 2007 pour ce que l'on connaît désormais comme l'affaire Taxica. Nous vous tiendrons au courant des développements. Merci Valérie. Oh yeah, vous êtes toujours en direct du Festival Urbain pour l'émission spéciale Les Palmarès de Rap 101 avec Cédition qui vous accompagne pour une heure de palmarès de bon rap. Nous avons entendu Taxica qui nous ont fait entendre l'extrait La Grande Évasion qui est tiré de leur dernier album Le Cœur et la Raison. Maintenant, continuons ces palmarès avec Brasco et Ma France d'en bas sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Come on, venez nous voir, on est en direct du Festival Urbain. Le show commence bientôt. De la grosse, grosse bombe dans vos oreilles, ça se passe à Trois-Rivières. C'est au parc pour tu voir. Come on! La France d'en bas, ça change rien de la lettre. Les petits grandis mal, ils font sonner la lettre. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère me fait faire des sourds à sa manière. Je connais la France d'en bas, ça change rien de la lettre. Les petits grandis mal, ils font sonner la lettre. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère me fait faire des sourds à sa manière. Le follow, prend le cœur en haché sans plus les hématomes. Sont capturés dans les halls, c'est fou ce qu'ils aiment la tôle. C'est comme ça qu'ils servent la colle. Ma tête a violé Marianne. Tu m'as baisé, je veux divorcer après 26 ans de mariage. Mais où tu veux qu'on aille, les portes sont fermées, y'a plus d'issue. Je vois des loups qui attendent devant les barrières, il suffit d'une fissure. J'ai vu cet ange vers le diable pour que son fils graille. J'ai vu les diables devenir des anges reconvertis à l'islam. Le bis, nous coule la poudre aux yeux, fais gaffe, c'est de la TNT, l'oseille. C'est pour lui qu'on veut se carrouler devant la BNP. L'envie de braquer nous excite. Yeah. Le soir au Mexique, je peux pas me contenter du SMIC. On est en direct du Festival Urbain, comment? Vu que l'État nous endort en pyjama, nous dames une brèche à la pour qu'on tombe pas dans le piège à rat. L'usine ou la prison, je préfère qu'on brise les os plutôt. Y'a plus d'infirmes au comico que dans j'connais les hôpitaux. J'connais la France d'en bas, ça sera rien de l'arrêt. Les petits grandissent mal, il faut sonner l'alerte. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère me fait faire des sous à sa manière. J'connais la France d'en bas, ça sera rien de l'arrêt. Les petits grandissent mal, il faut sonner l'alerte. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère me fait faire des sous à sa manière. Dans ma France d'en bas, j'ai que les moyens du bord. J'anticipe, les petits grandissent vite dans le trafic et deviennent anti-flic, anti-fils. J'suis qu'un banlieusard qui tape son petit fils scientifique. Et j'le fais du C4 avec du dentifrice. Déjà, être Renoir, v'là la tâche difficile. J'veux le cache des vizirs, donc je crache des missiles. J'compte m'en sortir, j'sais pas comment, mais j'ai l'outil. J'fais partie de ceux qui puent la rue, même avec du Cherouti. Kelly, j'aime la vie, c'est la mort ou la prison. Certains ne savent même plus ce qu'ils font. À force de vivre dans une fiction, fiston. Toi qui veux fuir le ghetto et ses nuitorites, où tu vis, fais gori-gori, je te la mets profond à l'huile d'olive. Fais pas comme moi, je suis pas un bon exemple. Si t'as les moyens de réussir, nique pas ton adolescence. Les biens ont passé l'âge ingrat, maintenant c'est l'âge écrit. J'ai vagabondé de Wada à Paris, de cité en cité, vue. Je connais la France d'en bas, ça sera rien de l'arrêt. Les petits grandissent mal, il faut sonner l'alerte. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère me fait faire des sous à sa manière. J'connais la phrase d'en bas, sache que rien ne l'arrête. Les petits grandissent mal, il faut sonner l'alerte. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère me fait faire des sous à sa manière. Si t'es pas de chez nous, tu atterris en terre ennemie. Tous les coups sont permis, on veut plus que le luxe du RMI. Si t'es pas de chez nous, tu atterris en terre ennemie. Tous les coups sont permis, on veut plus que le luxe du RMI. L'État s'en bat et on s'emballe, en jouant les teigneux. Ils aillent se faire foutre, ils nous jugent, mais y'a pas de voyous sans véreux. Y'a pas d'émeux sans bavure, y'a pas de preuves sans poucave. Ni dans le même sac, quand un jeune crame, tous les autres sont coupables. Sont coupables, je respire mal dans ma spirale. Crois pas que tout baigne, on fait semblant, mais la souffrance nous étouffe avec un sac poubelle. Certains ont du sang chaud sur les mains. J'peux toujours m'acheter des guns, ça fera pas de moi un surhumain. J'connais la France d'en bas, sache que rien ne l'arrête. Les petits grandissent mal, il faut sonner l'alerte. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère nous fait faire des sous à sa manière. J'connais la France d'en bas, sache que rien ne l'arrête. Les petits grandissent mal, il faut sonner l'alerte. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère nous fait faire des sous à sa manière. J'connais la France d'en bas, sache que rien ne l'arrête. Les petits grandissent mal, ils font sonner l'alerte. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère nous fait faire des sous à sa manière. J'connais la France d'en bas, sache que rien ne l'arrête. Les petits grandissent mal, ils font sonner l'alerte. Trafic et arnaque, trop de familles en galère. La misère nous fait faire des sous à sa manière. Oh yeah! Vous êtes toujours à l'émission Palmarès Rap 101, émission spéciale et diffusée en direct du Festival Urbain. Comment le show va commencer bientôt? C'est de la grosse, grosse bombe ce soir qu'on attend. Il va y avoir un battle de graph très bientôt. Il y a aussi un défilé de danse. Comme artiste invité ce soir, on a Radio, on a Prodigy, Galsen, on a aussi Empire Isis, on a aussi Mes Boys de Trois-Rivières, Kick Flow, ça va être à ne pas rater qui s'en viennent. On a aussi Never Die. Vraiment restant là, on vient d'entendre un de mes extraits préférés de Brasco. C'est Ma France d'en bas qui est tiré de son album Brasco, le vagabond. Continuons maintenant les palmarès avec Kerry James, une de ses meilleurs extraits pour distiller son album À l'ombre du show business. C'est l'extrait Le combat continue, partie 1. C'est de la grosse, grosse bombe. J'aimerais dédicacer cette chanson à Danny Carpentier qui fait un excellent job pour le Festival Urbain. On vous attend en grand nombre! Vous êtes sur C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Come on, baby! Voilà le son que j'attendais, sur ton période tendue. Moi, je sors du 9-4, j'évite les coups tordus. Depuis mon adolescence, j'évite les pièges tendus. C'est tendu, et alors, on assume quand c'est tendu. Respect, homme de paix, ouais, mais y'a un malentendu. Tout le monde devrait nous marcher dessus. Je résiste, et tu prétends être déçu. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi qui me déçois. Qu'est-ce que t'as de fou, toi? Plus question de me justifier. Redresse à ta patte hier qu'ils essaient de me crucifier. Tous attendent ma chute, guette le faux pas. Tous rêvent de dire, tu vois, ils disent qu'ils ne feront pas. Tous m'attendent au tournant, avec chacun leur raison. Un jour, je m'exilerai parmi les hommes de raison. Mais pour l'instant, je suis là, et je rappe sale. Je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe mal. Je rappe, ah, je traque le trac. Depuis Thug Life, je ne rappe que des massacres. Dès que je rentre dans la cabine, ça sent classique. Si un jour on m'assassine, c'est que ça sent plastique. Je rappe sous la pression, je rappe sévère. Je rappe pas torse nu, mais je rappe le ventre ouvert. Je rappe vrai, je rappe thug. Je rappe la paix en attendant que les balles pleuvent. Et vu comment c'est parti, tu sens qu'il n'y aura pas de refrain. Si ce n'est à la fin là, je rappe quoi comme j'avais faim. Je rappe quoi comme j'avais rien. D'ailleurs, je n'ai toujours pas grand chose. Pour faire des thunes, je n'ai jamais choisi les bonnes causes. Le peu que j'ai, tu joues avec de l'essence. Garçon, c'est du feu que j'ai. Tout ce que j'ai acquis, je ne l'ai volé à personne. Et quoi qu'ils disent les ondits, je n'ai trompé personne. Un homme a ses faiblesses, ils ne peuvent pas le comprendre. C'est peut-être qu'ils sont parfaits ou qu'ils ne veulent pas l'entendre. Tous émettent des jugements sans les connaissances qui leur permettent. Tous ont foi en internet. Bienvenue dans le game, tout le monde veut le name. Mais le premier qui traîne peut craindre le règne. Tous sont persuadés qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Pour être au-dessus de tout le monde, tout le monde veut écraser tout le monde. Insulter tout le monde, piétiner tout le monde. Humilier tout le monde, c'est le faux pour tout le monde. Moi ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ma croyance, ce n'est pas mon monde. Mais malgré tout, ça. J'aimerais encore rassembler tout le monde. J'espère plus qu'ils me comprennent. Je continue le combat. Il neige des complots. Je la nomme entre les combats. Mon drapeau est pisse. Mais pisse avec justice. Tu me trouveras en face de ceux qui pissent sur la justice. Qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Que je donne ça. À croire et réfléchir, c'est Kerry James ça. Je rappe depuis l'extérieur. Pour mon frère à l'intérieur. Je rappe pour ROH, nos élèves pleurent mes erreurs. Je rappe pour Fred. Je rappe pour Fleury. Je rappe pour nos terres, la santé et Bois d'Arcy. Je rappe pour m'apaiser. Alors je rappe ma furie. J'entends le public crier. Je suis mafia qu'un prix. Je rappe comme il chuchote. Empoisonne ma vie en espérant que je suffoque. T'imagines mon pain, le poids que je supporte. L'amour que je porte aux peu de gens qui me supportent. Depuis si c'était à refaire, ils m'ont dans le collimateur. Et si je gêne mon frère, c'est pas seulement pour ma couleur. Je ne peux pas plaire à tout le monde, surtout aux hypocrites. MC ou journaliste, que la vérité irrite. Je rappe un œil dans le dos, le regard vers le futur. À chacune de mes blessures, j'ai un rap au point de suture. Certains n'ont que des prétextes, ils veulent en faire des causes. Je dis rien d'autre que de l'avarice et de la jalousie. Malgré leurs accolades et leurs sourires sur moi, la moindre écartade, ils s'empressent de parler sur moi. Est-ce n'est pas encore mon heure, la banlieue a une voix. Je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Test, je rappe depuis une tempête, alors je rappe des intempéries. Est-ce que je rappe depuis un cimetière, depuis que je rappe des tueries. T'as vu, je rappe des punchlines, des punchlines, des blonde time. Je sens que le prochain album va faire mal, très mal, très mal, très mal, très mal. Test, j'apprends toujours la paix, mais pas sans le respect. J'apprends l'humilité, mais jamais sans la fierté. J'apprends jamais la haine, même si je sais que l'amour recule. J'apprends toujours le pardon, plutôt que la recule. J'apprends toujours l'unité, mais seulement sur des bonnes bases. Jamais avec ceux qui ne prennent du poids que lorsqu'ils t'écrasent. J'apprends toujours l'apaisement, enfin tant que ce sera possible. Permets-moi d'ajouter, suis-je né pour servir de cible. Je ne changerai pas de direction, je pousserai toujours les petits frères vers plus d'éducation. Et si je baisse les armes, sache que je le ferai pour eux. Ma rage n'étouffe pas l'amour que j'ai pour la banlieue. Je sais que malgré moi, ils me prennent pour exemple. Mais que personne ne me suive si je me trompe. Et si je deviens violent, l'islam n'y est pour rien. Ce n'est tu qu'à mes faiblesses. Je répète pour que tu comprennes bien. Et si je deviens violent, l'islam n'y est pour rien. Ce n'est tu qu'à mes excès. J'échoue, mais j'essaie. L'humilité et l'orgueil, le tout dans un même homme. La folie et la raison, le tout dans un seul homme. Tu peux trouver une faille en moi parce que je suis qu'un homme. Vaincra la vérité et ce, même si tu la déformes. Depuis que je rappe ma voix, je sais que je rappe sous des bouts de verre. Je rappe tellement sous tension, mon frère, je rappe des ulcères. Je rappe hardcore, cru, sans être vulgaire. Mon rap, c'est une mise à nu, moi je rappe à découvert. Je rappe sincèrement, personne ne peut nier. À chacun de mes albums, j'espère que c'est le dernier. J'espère que ce sera le dernier, mais mon pote, tu vas attendre. C'est à moi d'en décider, le 9-4 ne coupe pas son. Voilà un autre classique, soutenu par la rue. Les poings levés, les bras tendus, c'est tendu, mais le combat continue. Le son le plus attendu, surtout en période tendue. C'est le son du 9-4, évite les coups tordus. J'ai grandi, 9-4, j'évite les pièges tendus. C'est le son du 9-4 qui coule quand c'est tendu. Respect, si t'es avec nous, t'as le bras tendu. Le combat continue contre les jaloux et les pendus. Contre les envieux et les tordus. Depuis le temps que j'suis tordu, MC, je sais que le silence n'est pas un oubli. Le son le plus attendu, surtout en période tendue. C'est le son du 9-4, évite les coups tordus. J'ai grandi, 9-4, j'évite les pièges tendus. Et c'est le son du 9-4 qui coule quand c'est tendu. Respect, si t'es avec nous, t'as le bras tendu. Le combat continue contre les jaloux et les pendus. Contre les envieux et les tordus. Depuis le temps que j'suis tordu, MC, sais-tu que le silence n'est pas un oubli. Danger content quand les temps vont guérir son lieu. Prends les positions de combat. Danger imminent, danger content quand les temps vont son combat. Je sens que j't'ai tendu la main, t'as plus de me pousser pas. Avec ce son, je me montrer sur l'oreille. Il y a corps, entre le texte d'un corps. Ça fait 16 ans, ça j't'ai chiant. J't'ai chiant, j't'ai chiant, j't'ai chiant, j't'ai chiant. J't'ai chiant, j't'ai chiant, j't'ai chiant, j't'ai chiant, j't'ai chiant. Et on est toujours en direct du Festival Urbain au Parc Portuaire de Trois-Rivières. C'est ici que ça se passe. Un gros show vous attend ce soir. Nous venons tout juste d'entendre un de mes extraits préférés selon pour les palmarès rap 101 sur C'est Fou. C'était du bon vieux Kerry James. Que c'est bon. C'était l'extrait Le Combat Continue partie 3 qui est tiré de son album À l'ombre du show business. Maintenant, on continue les palmarès. On va entendre Booba avec son tout dernier album 09. c'est l'extrait tomate salade d'oignon. Mais non, juste avant, c'est Bad Boy Street avec featuring de Marco avec Booba sur les ondes de CFOU 89.1. C'est au Festival Urbain que ça se passe. On vous attend en grand nombre. Le show va commencer bientôt. Yeah! Venez nous accompagner. On vous attend. Yeah, hear me now. In a road white town, in a bad boy street, the thugs them stop on them, no free of the police. Why violate and them empty the peace? Thugs them stop on them, no free of the police. I saw them rolling, the man them calling, them will take your soul. Cause them no free of the boy. I saw them rolling, the man them calling, them will take your soul. Pas doigt sur les balances, leur chico sur les phalanges. Tatoué comme les triades, j'pars en musique à G-Head. Armé comme un G.I., comme T.I., un peu nous arrêter. Violent comme l'histoire l'a été. Je l'éteindrai en brillant, t'exterminer en riant. Disque de diamant, j'aurai le bilan, j'ai de fidèles gars. Pas quelle city, ma patrie, ballon de feu. Coupe ton portable, enlève la pluie, c'est la boîte. Fait quel bien people, them send that to the list. The mud stops out there with the gun them raise. The war and violence, me said that officers will want for world of peace. But in our own white town, in a bad boy street, the thugs them strap on them, no free of the police. Why violate and them empty the peace? Thugs them strap on them, no free of the police. I saw them rolling, the man them calling, them will take your soul. Cause them no free of the boy. I saw them rolling. Them man them call, them will take your soul. Cause them afraid of the boy. Sur l'avenue, ok, je regarde les keufs défiler. Roule un joint de seum dans la foulée, ok. Hors de portée mort, de rire sans remords. Quand j'écoute les menaces de mort des forces de l'eau. Nos vies n'ont pas de prix, les leurs ne sont pas trop chères. Nous, union et d'or argenté, eux, cochon et pas cochère. J'ai vu cette blanche, gros qu'une petite hanche. Je pense qu'elle m'apprend cher, j'aime comment elle se déhanche. Mon soufflet, tac là là, je gore direct. Les soins en redemande, elle kiffe le double de 6 mètres. Réfléchir avant d'agir, c'est vrai, je devrais m'y mettre. J'aime aller en bas de nuit avec mon 9 mm. In our own white town, in a bad boy street, the thugs them strap on them, no free of the police. Why violate and them empty the peace? Thugs them strap on them, no free of the police. I saw them rolling, the man them calling, them will take your soul. Cause them no free of the boy. I saw them rolling, the man them calling, them will take your soul. Cause them no free of the boy. Toujours prêt à tirer cartouche, j'pèse en solo, j'suis partout sauf dans les partous. Smith et Wesson fait partie du staff. Ma couronne sur le terre-terre, j'fais le taf comme Ronnie Turiaf. On est moins cher que les farces. Mon département n'arrive plus à compter les schlags. J'suis un sale négro, car maman a épousé un black. Occupe-toi des verres et de la glace, je ramène le jack, le jack. Yo, hold yourself and don't lose it. You feel you untouchables in life, you abuse it. Yo, right or wrong road, the short way get you killed. So the long road, my choosing. In a road, white town, in a bad boy street, the thugs them strap on them, no free of the police. Why violate and them empty the peace? Thugs them strap on them, no free of the police. I saw them rolling, the man them calling, them will take your soul. Cause them no free of the boy. I saw them rolling, the man them calling, them will take your soul. Cause them no free of the boy. 00-8Z00 Animal son Chien Malabon Trick Parking City Game Pia The Zone Dizzy Marco. Oh yeah, vous êtes toujours en direct du Festival Urbain au Parc Portuaire de Trois-Rivières. Maintenant, c'est une émission exclusive, spéciale, concernant le palmarès Rap 101 en direct du Festival Urbain. J'ai avec moi Marie-Laurence qui est venue me parler un peu du Festival Urbain, justement. Ça va bien, Marie-Laurence? Oui, ça va bien. Parle-moi un peu maintenant, parle-moi un peu du Festival, Marie. Donc, le Festival Urbain, c'est un festival qui regroupe plusieurs activités. On va retrouver autant du rap que de l'électro, que du graffiti, du parcours, les sports extrêmes, parades de mode, graffiti. Un peu ce qui rejoint la culture urbaine des jeunes. Vraiment, il va y avoir beaucoup, beaucoup de stock. Ça va être vraiment, vraiment chaud. Explique-moi maintenant, depuis combien de temps ça existe, le Festival Urbain? Parle-moi un peu des débuts. Ben, en fait, cette année, c'est la 5e année. On a commencé avec pas grand-chose. On était que quelques personnes qui voulaient offrir à la région, aux jeunes, une espèce d'événement pour eux. Donc, on a commencé avec pas grand-chose et cette année, ça s'en vient pas mal gros. C'est un événement à ne pas manquer. On est dans les plus gros événements là, de la Mauricie. Donc, on a commencé avec pas grand-chose puis on est rendu qu'on est géant. Yes, avec le 375e, ça va être big, big cette année. Déjà là, qu'on a eu un bon gros show hier. Oh oui. Maintenant, explique-moi un peu, qu'est-ce qui se démarque du Festival Urbain, Marie? Le Festival Urbain, c'est un festival qui est pour les jeunes et qui est fait par les jeunes. Donc, on implique beaucoup les jeunes dans le processus du Festival Urbain, autant pour le bénévolat, pour les activités, tout ce qui est production du festival aussi. Donc, on veut que les jeunes s'impliquent dans leur festival. C'est pas juste un festival pour eux, mais c'est un festival fait par eux. OK. Maintenant, dans le fond, c'est un événement familial, accès à tous. Oui, il y a des activités autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux. Donc, on essaie de regrouper plusieurs clientèles en gardant ça quand même urbain, faire découvrir aussi aux plus vieux qu'est-ce que les jeunes ont comme talent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et nous montrer. Effectivement, ça va être vraiment, là, j'ai vu déjà des activités qui se sont faites. Vraiment, c'est de la grosse, grosse bombe. On vous attend en grand nombre. Maintenant, Marie, parle-moi un peu des artistes. Qui sont là à soir, qui sont en prestation à soir. Ce soir, on a Empire Isis, on a Radio Radio, qui est un groupe Nouveau-Brunswick acadien qui font du chiac, qui vont faire groover la scène ce soir. Il y a aussi des artistes hip-hop. On a entre autres mes boys de Trois-Rivières. Ça, c'était à ne pas manquer. C'est un bon gros groupe. Ça s'appelle Kick Flow. Ils vont être 7 sur la scène. Vraiment, c'est à ne pas rater. Ça va être une excellente prestation. On vous attend. Ça va être vraiment bon. C'est les gars, vraiment, là. Je les connais personnellement. Je peux vous dire que c'est du gros talent, du gros potentiel à Trois-Rivières. Maintenant, Marie, explique-moi un peu qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine pour le Festival Urbain. Donc, demain, il y a des activités familiales dans l'après-midi qui sont accessibles à tous. On va avoir des ateliers de danse, on va avoir de la danse africaine, du hip-hop, on a même du yoga, du gumboot. On va avoir aussi un battle de breakdance autour de 18h qui va regrouper des danseurs assez chevronnés de la région. Et en soirée, on a le show avec Sat de la Funky Family qui va venir nous épater. Yeah, yeah, yeah, vraiment. Donc, des grosses pointures de la France qui s'en viennent ici. Oh yeah, j'ai hâte, ça va être énorme. Sat de la FF, imaginez-vous, la Funky Family débarque en ville à Trois-Rivières demain avec Tunisiano de Sniper. Vraiment, ça va être de la grosse, grosse bombe. Maintenant, explique-moi, Marie, pour plus d'infos, si on veut plus d'informations concernant le Festival Urbain, où est-ce qu'on peut vous rejoindre ou vous contacter? On va sur le site Internet au www.festivalurbain.com. On retrouve la programmation, les points de vente. Vous pouvez venir directement ici au parc portuaire pour acheter vos passeports. C'est pas vraiment cher. C'est 10 $ pour une journée, 15 $ pour la passe complète. Donc, venez en grand nombre. Ça va être excellent. Yeah, yeah, ça vaut vraiment la peine. Comme je vous ai dit, ça va continuer à soir. On a un battle de graph. On a un défilé danse, on a aussi des artistes, on a Radio Radio, on a Prodigy Galsen qui viennent, on a Empire Isis, on a Me Boys de Trois-Rivières, Kick a Flow, Never Die. Demain, ça continue. Demain, c'est une grosse, grosse journée en perspective. Comme je vous l'ai dit, la Funky Family débarque en ville à Trois-Rivières. Non, non, non, ils seront pas en France. Ils vont être bien ici, chez nous. C'est à ne pas rater. Demain, il va y avoir aussi un battle de breakdance pour ceux qui aiment la danse. Et dimanche, on a le pique-nique électronique pour ceux qui veulent venir danser toute l'après-midi au parc des Ursulines. Donc, venez bouger, venez triper. Ça va être excellent. Yes, c'est ouvert à tous. C'est une activité familiale. Vous pouvez inviter vos enfants, votre grand-mère, votre oncle, votre tante, n'importe qui. On vous attend, on vous invite. Ça va être chaud. C'est à Trois-Rivières que ça se passe. Maintenant, continuons avec les palmarès de Rap 101 sur Cifou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Vous êtes en direct du Festival Urbain pour les ondes de Cifou 89.1 FM. On vous attend en grand nombre. Oh! Never try me like a dub. If you do, you better dub. I'ma hit him in his body. Somebody patching him up. I'ma bust a nigga head. Somebody rapping him up. When I ask you for my shit. my accent too much. I'm dirty in my heaven do. It's dirty, you can tell the truth. I'm dirtier than the reverend fighting internal revenue. I'ma get mine, you can call me Uncle Sam. Use you for your services and I don't give a damn. Slap Bush with my cash, all these taxes and it's gas. Got these bitches selling ass, homicide for the cash, homicide for the cash. Ride around gunning mass, summertime sun to sail. Triple C gon' gun you down, 20 birds, I'ma serve. Posted up on this curb, got a lot of bills to pay, so we out your head. If you owe me a dime, boy you better give me mine. Cause I'm pulling my nine with one thing that's on my mind. Running out, yeah, he bought two, but I fronted another three. But I'ma get him knocked off for less than the quarter key. Yeah, I broke him out, I gotta break him out. Ow. He think he using his head, I gotta take it out. Ow. That boy losing his head, and then I'm taking out. Ow. Smashing in the Grand National, won't break it out. Let me break it down. Down. 50 off the chicken every time I break it down. Damn, bad little bitches shake it when they break it down. Damn. Vous êtes à une émission spéciale Palmarès Rap 101 sur Cifou 89.1 en direct du Festival Urbain. Come on, baby! C'est chaud, c'est un extrait Where My Money de Rick Ross qui est tiré de son album Port of Miami. C'est l'émission spéciale diffusée en direct du Festival Urbain pour l'émission Rap 101, les palmarès. Nous continuons maintenant ces palmarès avec un de mes boys de Montréal, Cobna, qui a sorti son album Verrouillé, vraiment un excellent album à vous procurer. Nous allons entendre l'extrait Faut réagir avec Sans pression. N'oubliez pas Sans pression, j'ai fait un remix, La tendance se maintient remix avec moi, qui va être sur l'album Rap 101, qui est disponible très très bientôt. Ça va sortir sous peu, donc à surveiller cette chanson, c'est La tendance se maintient avec Sédition et Sans pression. Continuons maintenant en musique, comme je vous l'ai dit, avec l'album Verrouillé de Cobna, l'extrait Faut réagir de la grosse, grosse boulette de mes boys de Montréal, 13 Deep Records. Yeah, vous êtes au Festival Urbain en direct, come on! Endormi, turbulence alourdie, c'est faux engourdi, le changement étourdisse, à pas sourdi, on nous envoie des signes, mais on les transmet par étude, au silence des agneaux, sans écouter, sans parler, sans vraiment regarder, ne passe pas des portes, la violence monte sans tarder. Je te rappelle que s'exprimer est un droit, combat fou de plus en plus depuis les attentats que le train n'attend pas. Donc on s'en fout pour se défendre, on fume pour se détendre. Et ce qui monte finit par descendre, ça saigne. Le système malmène, la tension est palpable et malsaine. Pour réagir, se ménager, anticiper ce que l'avenir peut présager, envisager, partir avant de dégager. Les rues sont bouillantes, le crime est payant. On s'accroît à tout, on peut voir rien, c'est effrayant. Avant qu'on dise il est trop tard, c'est fini. À force de remettre un plus tard, faut réagir. Avant de devoir guérir, devoir subir, devoir craindre le pire. Faut réagir. Quand les extrêmes se rejoignent, que deux gens témoignent, nos libertés sont menacées. Faut réagir. Avant de devoir guérir, devoir subir, devoir craindre le pire. Faut réagir. Il est trop tard, c'est fini. À force de remettre un plus tard, faut réagir. Avant de devoir guérir, devoir subir, devoir craindre le pire. Faut réagir. Quand les extrêmes se rejoignent, que deux gens témoignent, nos libertés sont menacées. Faut réagir. Avant de devoir guérir, devoir subir, devoir craindre le pire. Faut réagir. C'est un système de valeurs où la réussite est ma terre. Et elle, la santé c'est l'argent, le dollar est par terre. Né elle, donc c'était ma terre. Né elle, le stress habitue. Elle, le défi continuel, où la chance fait rêver. D'elle, tu peux mettre dans la laine, tu peux dans la merde, personne n'aime perdre, les démunis veulent s'évader du système. On sait pas qui tient les ficelles, vérité confidentielle. Doit-on parler de liberté ou de liberté conditionnelle? Lorsqu'il y a des besoins, peu d'entre eux sont essentiels. Un monde superficiel, un bonheur artificiel, homme est cruel. Comportement individuel, le business, acheter la solidarité aux poubelles. Les courses appauvrissent, l'exclusion laisse des séquelles. La marginalité, des presse relationnelle. De tout ça, les compagnies pharmaceutiques s'enrichissent. Les drogues sont légales, dépendamment des poches qui remplissent. Faut réagir. Avant qu'on dise il est trop tard, c'est fini. À force de remettre un plus tard, faut réagir. Avant de devoir guérir, devoir subir, devoir craindre le pire. Faut réagir. Quand les extrêmes se rejoignent, peu de gens témoignent, nos libertés sont menacées. Faut réagir. Avant de devoir guérir, devoir te voir subir, te voir craindre le pire, réagir. Vous êtes toujours en direct du Festival Urbain pour l'émission spéciale Palmarès Rap 101. Nous venons tout juste d'entendre Cobna avec son nouvel extrait qui est Faut réagir, tiré de son album Verrouillé, un excellent album. Continuons maintenant ce palmarès pour les ondes de C'est Fou 89.1 à l'émission Rap 101 avec Cédition qui est avec vous pour une heure encore. Esprit, ils vont crever. Voici maintenant rap de droite d'IAM, come on! Les diamants dehors, les pistons, les salaires excités. Les nippers en silicone et les filles désinhibées. Les Audi, les BM, les Hummer et les Merco. Le cuir et les peaux, les chaudes, les V8 dans Pléco, des mythos. Les levages, la race au combat. Les gros, les clépards, les sapés, les marques, les parmes, le marché, le gros et les straps. Les armes parades devant les caméras. Les camarades apportent le jus à la haine, posé sur son quai d'amarrage. Pas facile à chaque instant, j'essaie d'y échapper. La pub, la ville, chaque jour pousse, maintient la pression. Avoir ouvrir et acheter, quand on pire qu'une agression. Alors maintenant dans les clips, ça vient pour tomber. récolter le blé. On vit comme ces tours et ces blocs qui crient le paysage. Les cités, les rues, les bars, les villes qui le dévisagent. On jalouse, on rit, on crache, on râle, on est médisant. En ce sens, la France est dans nos veines, on fait de bons paysans. Le système de l'État produit le crime par la force. Et en face, on répond en créant la force par le cri. On exige, on impose le silence par les cris. On garde la création du rap juste à deux doigts de la mort. Juste à deux doigts de la mort. Les couleurs font des coupables. On tombe des picots, des liacs, des micros, des toupables. On se croirait au puits du fou, au fond ou à l'UMP. T'as bien le cul posé au milieu du rap français. Munitions, flingues et balles, c'est du rap de droite. Femmes soumises ou à poil, c'est du rap de droite. Corruption, copinage, c'est du rap de droite. Slogan choc, affiche et batte pour un bon rap de droite. Vrai facho, faux rebelle, c'est du rap de droite. Trop de vent, de cocktails, c'est du rap de droite. Plein de bouche, pas d'oreilles, c'est du rap de droite. Doucement la vie nous fait mal pour un bon rap de droite. Truc libre sans limite, et c'est presque une prison où que tu ailles en tépi. Comme Gomer au balcon, ça m'a chez le voisin au lieu de passer un coup de balai d'eux. Vend sa porte avec l'ego bien plus gros que le K2. On prend le moyen, on fait croire que c'est bon. Souvent l'emballage est plus solide que ce qu'il y a dedans. On sème et on récolte immédiatement, qu'on prend, y'a plus le temps. Avant c'était le boudron, mais c'est le passé. Et à présent on veut du caviar bien gras. Pas du 0%, vos cigares et vodka. Loin du merdes d'antan, VIP et cristal. Diamant dans les dents, tout dans la tendance. Comme tous, y'a aussi les juges et leur jugement. Souvent émis dans le noir, les putes et les petits cons. Souvent tapis dans le bois, on parle plus de fesses que de fond, de fric que de flow. De toute façon, ça sert à rien, ça rapporte moins que les strings en vidéo. Y'a des réseaux de surveillance qui voient pas du bon oeil des rumeurs et des ragots. Mais pas à la même taille, ok, parfois ça vole pas haut. Mais regarde un peu ma grosse médaille, on aurait dû tourner ailleurs. On s'est perdu, ça fait un bail. Munitions, flingues et balles, c'est du rap de droite. Femmes soumises ou à poil, c'est du rap de droite. Corruption, copinage, c'est du rap de droite. Slogan choc, affiche et batte pour un bon rap de droite. Vrai facho, faux rebelle, c'est du rap de droite. Trop de vent, de cocktail, c'est du rap de droite. Plein de bouche, pas d'oreille, c'est du rap de droite. Doucement la vie nous fait mal pour un bon rap de droite. Je vous rappelle que vous êtes toujours en direct du Festival Urbain du côté du Parc Portuaire de Trois-Rivières. C'est une émission spéciale Rap 101 Palmarès, que du bon rap dans vos oreilles. Nous venons tout juste d'entendre Rap de droite de I Am. Maintenant, continuons ces palmarès avec un de mes meilleurs extraits de LD. LD qui était en prestation hier. Vraiment, il nous a offert une excellente prestation avec un drummer. Vraiment, pour ceux qui ont raté ça, ben vous avez raté de quoi de gros. Mais ce soir, ça se reprend. On vous rappelle ce soir qu'il y a un battle de graph. Il y a aussi un défilé de danse. Comme artiste invité, on a Radio, on a Prodigy, Galsen, on a Empire, Isis, on a aussi mes boys de Trois-Rivières et Kick Flow qui vont venir faire une prestation. C'est à ne pas rater. Maintenant, continuons avec l'extrait justement d'LD. C'est pour le love et le cash qui est tiré de son album du même nom. Dip Diddy, yeah! Vous êtes en direct du Festival Urbain. Venez nous voir, le show commence bientôt. On vous attend, c'est au port que ça se passe à Trois-Rivières. Yeah! Drop a burger, boy. Place a facile, place un petit diable. Pour que tu saches ma puce, pour que tu saches d'où je viens. C'est avec qui je fous des balles, c'est avec qui je m'entends pour que ça qui je fous des claques. J'ai du love, c'est un good. J'en remercie ceux qui donnent, ceux qui savent ce qui blesse, mais ceux qui savent ce qui donne. On est là pour vous, puis on est là pour rester. Non, pour moi, le succès, toi tu viens me tester. Tu caches à quel point pour nous, ça s'en vient. En premier, pour le love. Car je me sens bien peu importe la façon de générer le profit. Donc c'est quoi qu'on passe si tu fais des profits. On en bloc, on go. On tue dans le show, dans le show. On tue dans le show. Les boys qui les tiennent, qui veulent pas du cash. Montre le son au système, fais le signe. Yeah boy, on est là, on est là. Pour tranquille, un chat. Yeah boy, on est là. Yeah boy, on est là, pour le love. Big cash, on est là, on est là. Yeah boy, on est là, pour tranquille, un chat. Yeah boy, on est là. Yeah boy, on est là, pour le love. Big cash, on est là, on est là. Avec des petites suicides, mets des cerises dans les bouches. On veut du pot dans une feuille, mets des feuilles dans nos poches. Yeah boy, on veut donner du cash à nos proches. Quand on débarque dans ta ville, on fait des shit d'acide. Y'a quelque chose que je t'explique, pour moi tu check c'est d'acide. On est là pour prier, après on rentre à la maison. On met des shit très chaud, peu importe la saison. Stay down, everyday, stay down, with the kid face down. Assure, on est round down, green. Vous êtes toujours en direct du Festival Urbain pour l'émission spéciale Palmarès Rap 101. C'était mon boys LD avec son extrait Pour le Love et le Cash qui est tiré de son album du même nom. LD qui est venu nous faire une excellente prestation hier avec un drummer live. Vraiment, c'était quelque chose à voir. Hier aussi, on a eu Tactica qui est venu, Moine de Rue, Impa, Sensa. On a eu la troupe de danse Too Real. Vraiment, c'était vraiment un très, très bon show. Je vous rappelle que ce soir, on a un battle de graph. On a aussi un défilé de danse. On a comme artiste Radio Radio, Prodige, Galsen, Empire, Isis, Kick a Flow qui va être là. Maintenant, je vous réserve la chanson, selon moi, ma préférée cette année, c'est La Fouine avec son extrait Du Ferme. Selon moi, c'est une des meilleures chansons qui a été faite cette année. Donc, on écoute mon boys La Fouine qui fait trop du gros, gros son. C'est Du Ferme. Vous êtes en direct du Festival Urbain au port de Trois-Rivières pour l'émission Palmarès Rap 101 avec Cilicion alias Jean-François Vizina. Et c'est reparti, come on baby, venez nous voir, les shows commencent bientôt, on vous attend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cocaïne dans le jean, Samy rejoint quelques clients à Porte Dauphine. Mademoiselle devient folle avec ses amis intimes. Un gars ou une seringue, et bim, mais elle a mis plus de jus dans une orange sanguine. Elle a fini en drame cette soirée entre copines. Il est 6h du mat quand les keufs font gring. Il vendait de la dope mais il comparait pour crime. Yeah, yeah, vous êtes toujours en direct du Festival Urbain, come on! Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme. Il a pris 20 piges, piges, piges. Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme. Il a pris 20 piges, piges, piges. Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme. Il a pris 20 c'est repartir plus tôt. Rivoine sauta dans le premier métro. Il acheta un poulet. Il poussa la porte d'entrée. Tout sa femme en train de se faire fourrir. Vous connaissez la suite, suite, suite. Oh, du sang sur les draps, des clics, des clics. Oh, vous connaissez la suite, suite, des clics, clics. Il a pris 20 piges, piges, piges. Redouane a pris du fer, fer, fer. Il a pris 20 piges, piges, piges. Redouane a pris du fer, fer, fer. Il a pris 20 piges, piges, piges. Redouane a pris du fer, fer, fer. Il a pris 20 piges, piges, piges. Redouane a pris du fer, fer, fer. Il sort du lycée, clean, clean. S'en va rejoindre sa team, team, team. Le plus de les copines, pin, pin. Les devoirs et les centimes, team, team. Pas de thune dans les poches pour changer de visage. Les poteaux la belle font un cambriolage. Moussa décide de les rejoindre pour péter à la console. Easy qui pourra jouer le plus trimé devant le pool. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que dans la chambre du pool, ils avaient dit que t'es les rangs. Il a pris 15 piges, piges, piges. Moussa a pris du fer, fer, fer. Il a pris 15 piges, piges, piges. Moussa a pris du fer, fer, fer. Il a pris 15 piges, piges, piges. Moussa a pris du fer, fer, fer. Il a pris 15 piges, piges, piges. Moussa a pris du fer, fer, fer. Comme je vous le rappelle, on est toujours au Festival Urbain. Nous venons tout juste d'entendre l'extrait La Fouine du Ferme. On va continuer avec La Fouine. J'ai le goût de vous faire entendre une autre chanson, mais cette fois, c'est en featuring avec Soprano Baba, Soprano et Safiu. On va entendre Ça fait mal, ça fait mal. Vous êtes en direct du Festival Urbain pour l'émission spéciale Palmarès Rap 101. Come on, venez nous voir. Le show commence bientôt. On vous attend. Il va y avoir mes boys Kikafo qui vont être là bientôt avec Radio, Radio, Empire, Isis, Never Die, Prodigy, Galstan, on vous attend! Ma fouille, ma fouille, son brave papa. Brand new, brand new. Yeah, ça fait mal, ça fait mal. Yeah, ma putain de banlieue sale entre la côte. Mon bras conti, il était petit, trouve ça à la mode. Pour les potes, j'ai toujours 2-3 tasses dans mon bolide. Pour les jaloux, toujours 2-3 balles dans mon brolic. Le casque, une bécane, négro, ça peut se terminer là. J'suis trop loin, j'suis sponsorisé par la NASA. Toujours au pied dans la rue, les cups, les tasses me matent. Négro, j'défonce, j'ai le flow couplé au bicarbonate. Les jaloux parlent trop, voudront jamais se terme. Allez, j'la chatte, de la chatte à la chatte. Alors gros, creuser ma banlieue, mais t'inquiète, je gère. Dans 7-8, on coule à force de manger des pierres. Quand tu embrouilles, les patrons se chient dessus. Attrape, on a des guns, nique sa mère, le jujitsu. Et on vous fuck, j'm'en bats les couilles, j'prends mon pif, bientôt j'me pars en Royal Air. Ton meilleur pote, ta boucarde, ça fait mal, ça fait mal. Ils sont six, t'es dans la cave, ça fait mal, ça fait mal. Quand les gueules te soulèvent, ça fait mal, ça fait mal. Il t'en reste un peu sur les lèvres, ça fait mal, ça fait mal. Nouvel album dans les bacs, ça fait mal, ça fait mal. Il est lourd, il met des claques, ça fait mal, ça fait mal. T'es arrivant, j'suis libérable, ça fait mal, ça fait mal. Le champagne est sur la table, ça fait mal, ça fait mal. Je suis vraiment pour voir stopper le mbaba de la psychiatre. Alors que Mike t'es aussi vrai que le Saint-Carmen Electra. Hala hala dans les quartiers de France et dans les villes d'Afrique. Hala hala sopra mbaba pour le Mike et le bac et le rat. Pour les chiens de la carte, pour les mecs qu'on a dans, qu'on le met à l'état. Pour le frère qu'on a mis au mita, pour le frère qu'on a ça de bléda. C'est la wa, voilà encore un flow digne d'un combat de boss. une connexion plus attendue que Dito. Mon flow a les poumons noircis, à force de fumer du MC. Il se promène dans d'autres galaxies, sans fil, réside sur Pluton. Pendant que sur Terre, ça rappe comme Coxy. Oui, y'a mes enfants sur le gun qui a tué ta carrière. J'ai bien ton crâne, la tête de mort sur toutes nos bannières. Yeah. Quoi de neuf, Winnie Baby? Comme dirait Wizzy, v'là le remix, baby. Ton meilleur pote, ta poucave, ça fait mal, ça fait mal. Ils sont six, t'es dans la cave, ça fait mal, ça fait mal. Quand les keufs te soulèvent, ça fait mal, ça fait mal. Il t'en reste un peu sur les lèvres, ça fait mal, ça fait mal. Nouvel album dans les bacs, ça fait mal, ça fait mal. Il est lourd, il met des claques, ça fait mal, ça fait mal. T'es arrivant, je suis libérable, ça fait mal, ça fait mal. Le champagne est sur la table, ça fait mal, ça fait mal. Oh, moi je suis le Hamas, face à Mahmoud, t'en passes mon number, c'est le 06-93 partout. Ras, j'habite où, où? Mais t'es fou, j'habite à Olesou, c'est mon lotof, c'est Zéhéhé. Oh, j'rappe on baisse comme Roselyne Bachelot. C'est qui baisse? C'est mon lotof, 4 en action. J'rappe au ricolant, violent, c'est pas marrant. T'es mourant, j'serai là à ton enterrement. Trop trop pas solo, c'est ton volant. Qui violent, coucou courant, tu dis pas que t'es pas au courant. J't'ai proche de courant, caca casse-toi t'es trop collant. Tu vas coucouler ton culé, comme l'or manou tout sur sang. Fais pas belle année, Sopra, Zaef, Laoné. Espèce de counasse, on couche ta colonie. Gros, recule, casse-moi pas les couilles. Ou j't'en colline, dis ça, j'suis pas homosexuel pour que j't'encule. Dans une cage d'escalier, on peut le faire. On peut finir à l'hôtel s'il y a plus de place. Sa mère, il reste ma banquette arrière. Yeah, il reste ma banquette arrière. Yeah, il reste ma banlieue. Dans une cage d'escalier, on peut le faire. On peut finir à l'hôtel s'il y a plus de place. Sa mère, il reste ma banquette arrière. Yeah, il reste ma banquette arrière. Yeah, il reste ma banlieue. Ça fait mal, ça fait mal. Comme neuf, son hyper. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, frère. Ça fait mal, ça fait mal. Yeah, vous êtes toujours en direct du Festival Urbain avec Silition pour une émission spéciale, les palmarès rap 101. Maintenant, j'ai un artiste invité avec moi qui s'appelle PO. PO est venu nous parler un peu de sa prestation qu'il va faire demain. Parle-moi un peu de ce qui s'en vient pour toi pour ça en fin de semaine, PO. En fait, vraiment, vraiment, je te le souhaite, je te le souhaite. Parle-moi un peu de... T'as fait un album Putain de vie de déboire. Parle-moi un peu... Yeah! Parle-moi un peu de cet album, mon boys. Écoute, j'en ai vendu environ 200 depuis, puis ça roule bien, ça vient, les gars de la Rive-Sud m'ont bien encouragé, puis peace pour eux autres, puis le monde de Trois-Rivières aussi, écoute, c'est fort. Maintenant, j'aimerais que tu me parles, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mon PO? Là, je suis présentement en train de travailler sur un album au studio chez l'Archange Art & Fact. Justement, il y a un gros show le 3, le lancement de l'album de Kika Flow, j'en fais partie, et là, puis les gars sont vraiment en tête, non mais ils sont vraiment bons, faut pas manquer ça le 3 octobre. Yeah, comme tu l'as dit tantôt, demain, PO va être en prestation. Il va faire le concours sur le beat. Man. Sur le beat. Et s'il gagne ce concours, il va faire la première partie de Tunisiano et de Sat de la FF. Wow. Vraiment, c'est à ne pas rater demain. Venez voir, ça va être une grosse, grosse journée. Donc maintenant, as-tu des shows qui s'en viennent, PO, bientôt? Ou... Ah, ça, comme je disais, le 3 octobre, c'est vraiment le plus gros show qui s'en vient. Je fais aussi du slam à l'embuscade le lundi 31 août. C'est la finale de Trois-Rivières. S'il y a 4 gagnants de Trois-Rivières qui s'en vont après ça affronter les villes comme Montréal, Québec et tout. Fait qu'il faut encourager ça et tout. Fait que vive Trois-Rivières. Yeah, c'est à Trois-Rivières que ça se passe. Maintenant, on retourne en musique avec Silly, c'est Phil. Sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières, j'ai nommé CFOU 89.1 FM. Yeah, vous êtes en direct du Festival Urbain. C'est à soir. Non, c'est toute la fin de semaine, c'est-à-dire que ça se passe. Yeah. Il va y avoir des grosses journées. Aujourd'hui, on a eu entre autres, là, il va y avoir un un battle de graph. Il y a aussi un défilé de danse. Comme artiste invité, on a Radio Radio, on a Prodigy, Garsen, Empire, Isis, Kick Flow. On a aussi Never Die. Je vous dis, la pluie n'est pas un inconvénient. Non, on a eu pareil tout l'été, on a rien cul de la pluie. Donc, gênez-vous pas à venir pareil. On est habitué. On vous attend, même si mouillasse un petit peu, c'est pas grave. Mettez-vous un petit manteau, ça vaut la peine. Ça va être big. Il y a des bons artistes à soir. Mes boys, Kick Flow, comme je l'ai dit, à ne pas rater. Donc, continuons la musique pour les palmarès. C'est fou, 89.1 FM sur la Radio Campus de Trois-Rivières. Yeah! En direct du Festival Urbain. Come on, baby! De la grosse, grosse bombe. Ça se passe à Trois-Rivières. Ça arrive qu'une fois par année. Yeah! Avec Sélition, come on! Ça fait bizarre d'entendre tourner ce morceau en radio, surtout la première fois. Toujours, je dirais pas de sitôt. Ça te fait une drôle d'impression quand on t'arrête dans la rue pour une photo, un autographe. Ça te fait un drôle de deux trucs. Je dis pas que ça me fait pas plaisir, je dis que j'ai pas l'habitude. Je réalise pas bien ce qui m'arrive, ça me change de mes habitudes. Autour de moi, je vois tellement de changements. Les gens agissent n'importe comment. Ceux qui me calculaient pas vraiment changent de comportement. Ça fait bizarre de voir que certains deviennent jaloux. Que pour se retrouver à ta place, certains sont même prêts à tout. Je pourrais pas les empêcher de dire putain, cet enculé il a changé. Il a pris la grosse tête, ce juriste la raconte changer. Moi, je suis toujours suivi, c'est qui les gestes. C'est toujours le même, même si ça marche un peu pour moi. Même si je passe sur la FM, j'écris toujours ce que je ressens. J'invente rien, mais j'apprends franchement. C'est pas parce que mon disque vend que je change pour autant. Ça fait bizarre, pour moi rien n'est plus comme avant. Autour de moi les choses ont changé, les gens voient autrement. Ça fait bizarre, lorsque les gens savent comment tu t'appelles. Ça fait bizarre, quand t'aperçois enfin le bout du tunnel. Ça fait bizarre, pour moi rien n'est plus comme avant. Autour de moi les choses ont changé, les gens voient autrement. Ça fait bizarre, lorsque les gens savent comment tu t'appelles. Ça fait bizarre, quand t'aperçois enfin le bout du tunnel. Ça fait bizarre d'entendre sous les forces que tu fais. Sortir de la bouche de plus grande star du hip-hop français. Ça fait bizarre de voir t'existes enfin aux yeux du public. Les gens t'ont écouté rapper qu'ils veulent même acheter ton disque. Ça fait bizarre de voir que le rêve peut se concrétiser. Car dans ce business tu peux me croire, y'a de quoi être traumatisé. Ça fait bizarre de voir si tu prenais le droit des tocards. De dire putain ça marche pour toi, si tu veux j'existe ton passe me voir. Ceux qui me serraient à peine la main veulent maintenant serrer dans leurs bras. Les gens qui me donnaient plus de nouvelles se mettent à téléphoner chez moi. Même les collègues, mes parents taxent des autographes pour leurs enfants. Ça fait bizarre, je te le dis franchement, je m'attendais pas, ça le passe autant. Ça fait bizarre, pour moi rien n'est plus comme avant. Autour de moi les choses ont changé, les gens voient autrement. Ça fait bizarre lorsque les gens savent comment tu t'appelles. Ça fait bizarre quand t'aperçois enfin le...